6. 0 plus 4 égale 12 plus 5 égale 9 moins 2 égale 5 fois 3 égale 12 divisé par 3 égale 20 moins 3 égale